Troisième temps de notre semaine consacrée aux réformes religieuses dans la fabrique de l'histoire. Aujourd'hui, émission d'archives autour des réformes de l'islam au 19e et au début du 20e siècle. Après avoir évoqué Jésus et l'islam avec les deux auteurs de la série documentaire diffusée depuis hier sur Arte, Gérard Mandilla et Jérôme Prieur, c'était lundi, puis hier avoir ausculté la réforme catholique de Vatican II dans le documentaire de Victor Massé d'Épinay et d'Anne Fleury que vous pouvez écouter ou réécouter sur le site de franceculture.fr, et avant demain de débattre des réformes du judaïsme médiéval, nous allons ce matin avec Victor Massé d'Épinay et avec l'aide de textes qui seront lus par Daniel Königsberg nous poser la question des réformes religieuses dans l'Empire ottoman depuis, mettons, le XVIIIe siècle, et en particulier le milieu du XVIIIe siècle qui voit la naissance du wahhabisme jusqu'au début des années 30, donc des années du 1930, dans cet Empire ottoman qui maintenant n'existe plus après la Première Guerre mondiale. Nous le ferons en compagnie d'Anne-Laure Dupont, elle est maître de conférence à l'Université de Paris 4 Sorbonne. Augustin Jomier est avec nous, il est post-doctorant à la Fondation Thiers, rattaché au CERIO, il a fait sa thèse sur le réformisme islamique dans l'Algérie coloniale des oulémas ibadites en particulier. Et Sabrina Mervin sera en duplex avec nous depuis le Maroc. Elle est directrice du centre Jacques Berck à Rabat et elle est chercheuse au CNRS et auteure entre autres d'une histoire de l'islam, fondement et doctrine qu'on peut trouver dans la collection Champs Histoire. Bonjour Victor Massé de l'Épinay. Bonjour Emmanuel. Bonjour à vous Augustin Jomier. Bonjour Emmanuel. On attend d'avoir avec nous Sabrina Mervin, ça ne saurait tarder. Et bonjour à vous Anne-Laure Dupont. Bonjour. Merci d'être ici. Alors peut-être faut-il clarifier pour nos auditeurs qui ne connaissent pas tous cette question du réformisme religieux, surtout en lien avec la question du réformisme politique dans l'Empire ottoman des 18e et 19e siècles, donner une petite chronologie et dire qu'il y a quelque chose qui bouge, en tout cas c'est ce qui apparaît lorsqu'on vous lit en particulier, il y a quelque chose qui bouge au milieu du XVIIIe siècle et à partir d'une démarche de cet empire ottoman, à savoir l'Arabie, la naissance d'une doctrine, la doctrine qu'on appelle le wahhabisme. Peut-être on peut démarrer par là, mais ça n'est pas la seule doctrine d'ailleurs à naître dans ces années 1750-1780 à Laure Dupont. Le wahhabisme est une doctrine qui tire son nom du prédicateur, Mohammed ibn Abd al-Wahhab. Ses disciples ne se désignent pas comme tels. Wahhabi, wahhabite, a longtemps été une étiquette péjorative. Justement, on les réduisait à la relation avec le prédicateur, comme s'ils n'étaient pas d'authentiques musulmans. Et eux-mêmes se définissent comme les unitariens, c'est-à-dire ceux qui professent l'unicité divine dans sa pureté. La prédication de Mohammed ibn Abd al-Wahhab au milieu du XVIIIe siècle est une prédication de type réformiste, dans le sens qu'il s'agit de corriger les déviances de la communauté, notamment de rétablir un culte à Dieu seul. Les wahhabites considèrent que le culte des saints, le culte des morts, les visites aux tombes qui sont très répandues jusqu'à aujourd'hui dans le monde musulman, Le confrérisme risque d'associer à Dieu d'autres divinités, ce qui est le contraire de l'unicité divine. Le wahhabisme a dû son succès à son alliance avec la tribu des Saouds. Le wahhabisme s'est donc répandu à l'origine par le djihad. Les Saouds eux-mêmes ont trouvé dans cette doctrine un principe unificateur très fort des tribus d'Arabie. Alors cette Arabie, elle est dans l'Empire ottoman. On est aux marges de l'Empire ottoman, mais on n'est pas loin de l'Inde. Mmh. On n'est pas loin de la Mecque et de Médine, qui sont évidemment les lieux de pèlerinage de l'islam et des centres intellectuels aussi, des centres théologiques et intellectuels au XVIIIe siècle. Donc dans le fond, ce wahhabisme n'est pas quelque chose qui surgit de marges désertiques, sans lien avec le reste du monde. Avec la centralité en particulier de l'Empire ottoman. Avec la centralité de l'Empire ottoman et la centralité de l'Inde. Et donc, il y a cette question qui se pose, Augustin Jomier, qui est une question à la fois religieuse, c'est une réforme religieuse, le wahhabisme au milieu du XVIIIe siècle, mais qui va, par son alliance avec la famille des Saoud, devenir aussi une vision politique et même une conquête, puisqu'il va y avoir une conquête territoriale, que ce wahhabisme va conquérir les lieux saints que sont la Mecque et Médine, et provoquer ainsi, de la part de l'Empire ottoman, une réaction militaire, qui va être accomplie par Mehmet Ali au tout début du XIXe siècle et qui va rechasser ce wahhabisme en dehors de ces lieux saints. Mais on voit bien qu'il y a toujours, et on en discutera tout au long de cette émission, j'imagine, un lien entre ces questions de réforme religieuse et de l'autre côté, réforme de l'islam, et de l'autre côté, de réformes qui tiennent à la légitimité du pouvoir ou à la conquête d'un nouveau pouvoir, Augustin Jomier. Oui, il est certain que l'alliance de Mohammed ibn al-Wahhab avec la famille de Saoud ouvre un moment d'expansion politique fort et, comme vous l'avez dit, qui est un peu clos momentanément au début du 19e. En tout cas, les Saouds sont refoulés. Le lien entre réformes religieuses et politiques est très fort. J'aurais dit peut-être un peu plus tard, en fait, à partir du milieu du 19e siècle, au sein de l'Empire ottoman, à un moment là vraiment de foisonnement politique, les réformes religieuses vont être pensées en miroir, et puis vont accompagner ou contester, oui. Oui. Alors, Sabrina Mervin, vous êtes avec nous. Je rappelle que vous dirigez le centre Jacques Berck à Rabat, que vous êtes auteur, entre autres, d'une histoire de l'islam dans la collection Champs Histoire. On a toujours tendance, on a souvent tendance, peut-être aussi par européocentrisme, à considérer que cette question des réformes religieuses est liée souvent à l'irruption des armées de Bonaparte. On a tous lu, évidemment, les travaux d'Henri Laurence, de la conquête et de l'expédition d'Égypte en Égypte à la fin du XVIIIe siècle. Et ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a déjà des volontés de réforme, en tous les cas, avec ce cas wahhabite, qui précède justement cette arrivée en force des troupes occidentales, des troupes françaises, et ces débats qui sont liés justement à l'importation de cet esprit des Lumières dans cet espace géographique, Sabrina Mervin. Oui, bonjour. Alors, en fait, je pense qu'effectivement, c'est une très bonne question. C'est-à-dire que ce qu'il faut voir, c'est que, d'abord, il y a dans l'islam cette idée de ce qu'on appelle la réforme. C'est-à-dire, il y a un concept qui est coranique, qui est celui d'islam en arabe, qu'on traduit par réforme ou par réformisme. En fait, ce que ça veut dire, c'est que il y a des doctrines dans l'islam qui permettent le changement, à la fois la doctrine donc de l'islam, qu'on traduit par réformiste, et la doctrine du moujahidisme ou du tazid, c'est-à-dire de rénovation, d'un rénovateur qui viendrait périodiquement rénover les doctrines pour les remettre en conformité avec la doctrine originelle. Donc, ces doctrines qui permettent le changement ont été utilisées, traitées et réélaborées par des savants musulmans tout au long de l'histoire de l'islam. Mmh. Ce qui change à partir de la fin du XIXe siècle, c'est le choc avec l'étranger, le choc avec les puissances européennes et avec une culture qui est intrusive et qui professe une modernité qui n'est pas encore celle du monde musulman. D'accord. Et donc ça conduit effectivement à une nouvelle attitude, peut-être justement cette arrivée des troupes occidentales, d'après ce qu'on croit lire un peu partout. Victor Massé de l'Épinay. Oui, Sabrina Mervin, vous avez parlé du concept d'isla, ce concept de réforme qui est, on peut dire, consubstantiel à l'islam, puisque Mahomet était lui-même le premier réformateur, on peut dire, en revenant à la religion originelle d'Abraham. Mais à partir de la fin du 19e, donc une dimension politique s'est greffée à ces réflexions sur le changement, une réflexion qui était suscitée par une prise de conscience par certains savants d'un retard arabe, en particulier par rapport à l'Occident. Qu'est-ce qui était la cause du retard dans l'Empire ottoman, du retard technique, du retard intellectuel, du retard artistique, alors qu'il y avait eu un âge d'or jusqu'au XIIe siècle, en gros? Sabrina Mervin, cette question du retard arabe. On commence à parler de décadence. En fait, c'est surtout très, très relatif. Hein. C'est-à-dire que les savants parlent de décadence parce qu'ils se voient, ils voient leur civilisation décliner par rapport à celle de l'Europe, parce que justement, l'Europe est intrusive, elle est puissante, elle est conquérante, et eux, ils n'ont pas les moyens de se défendre. L'Empire ottoman est menacé. Et puis, il commence effectivement sa longue, excuse-moi, parce que je suis obligée de courir, et je suis dans la rue. Donc, l'Empire ottoman commence son long déclin jusqu'à la chute, et c'est à ce moment-là que toutes ces idées réformistes vont se propager. Mmh. Anne-Laure Dupont. Je voudrais revenir un instant sur ce thème du retard arabe. D'abord, il faut bien que nos auditeurs comprennent qu'on est pour l'instant à l'échelle du monde musulman. On a évoqué tout à l'heure brièvement l'Inde, on a évoqué l'Empire ottoman. La dynastie n'est pas arabe, c'est une dynastie turque musulmane. Donc il vaudrait peut-être mieux parler ici du retard musulman, qu'on reste à l'échelle du monde musulman. Après, on rentrera peut-être dans certains espaces. Retard musulman et aussi, à l'intérieur de l'Empire ottoman, on pense un retard ottoman, une décadence de l'État. Alors, je crois qu'il ne faut pas poser d'abord la question en termes de causes. Quelles sont les causes du retard et de la décadence? Il faut les voir comme un discours. Le réformisme, c'est une attitude qui consiste à prôner des réformes. Et pourquoi on prône des réformes? Parce qu'il y a une crise. Donc, la première chose dans le réformisme, c'est le constat d'une crise. Et pour constater cette crise, on reprend ou on invente des concepts qui sont le concept de retard, qui sont le concept de décadence. C'est l'autre versant de l'islam, c'est l'autre versant de la correction des déviances par rapport à la tradition du prophète, c'est l'autre versant du redressement de la communauté. Dans l'Empire ottoman même maintenant, il y avait toute une littérature décliniste depuis le règne de Soliman le Magnifique au XVIe siècle, qui justement avait pour vocation à susciter chez les hommes d'État ottomans un réveil, une réaction. Comme une sorte d'aiguillon. Le thème du retard, pour une période un petit peu plus tardive que le lancement des réformes dans l'Empire ottoman, le lancement des réformes dans l'Empire ottoman se fait à la fin du XVIIIe siècle et solennellement en 1839. Dans les décennies suivantes, au moment de l'apogée coloniale, le thème du retard est alimenté aussi par les administrateurs coloniaux, par les orientalistes. Il y a une sorte de concurrence, si vous voulez, entre les Européens, les hommes politiques ottomans ou des États musulmans voisins et des oulémas réformistes, des intellectuels, pour combler le retard. Chacun a son idée de la réforme, des moyens pour sortir du sous-développement. Alors, chacun a son idée de la réforme et d'ailleurs, quelques-uns vont se dire, si nous sommes en retard, eh bien, il faut peut-être observer pourquoi les autres sont, s'il y a retard, il y a avance, sont en avance. C'est ainsi qu'on envoie le cheikh Rifa al-Tartawi à Paris. Il part et il rédige un ouvrage en 1834 qui s'appelle L'or de Paris, qui est un ouvrage que je goûte particulièrement. Et cet ouvrage, un extrait de cet ouvrage, nous est lu par Daniel Königsberg. Il vient pour Paris, il vient tenter de comprendre ce qui se passe dans cette Europe occidentale qui permettrait justement de combler ce retard arabe. Du départ pour Paris, de ce qui paraît être le motif de notre départ pour ce pays d'impiété, d'obstination, ce pays extrêmement éloigné de chez nous et où la vie est très dispendieuse. Nous avions assurément au temps des califes abbassides la civilisation la plus achevée, le luxe le plus raffiné, la culture la plus florissante et la plus vive. C'est que les califes aidaient les savants et les maîtres des arts. Il y avait même des califes qui collaboraient personnellement aux sciences et aux arts. De là, tu comprends que les sciences ne se répandent à une époque donnée que par l'aide qu'accorde le détenteur de l'État à ses sujets. Les peuples embrassent la religion de leur roi, dit un proverbe. Le prestige des califes se dissipa. Leur royaume s'effondra. Voilà l'Andalousie entre les mains des chrétiens espagnols depuis près de 350 ans. L'épine des Francs se renforça grâce à leur habileté, à leur organisation, grâce à leur justice, à leurs connaissances militaires, leurs stratégies variées et leurs inventions en matière de guerre. Si l'islam n'était pas soutenu par la puissance de Dieu, que sa gloire et sa transcendance soient proclamées, il serait devenu comme un rien par rapport à leur force, leur multitude, leur fortune, leur habileté. D'après un dicton célèbre, les rois les plus sages sont les plus prévoyants. C'est pour cela que le maître des faveurs, que Dieu le Très-Haut le protège, ayant été institué par Dieu le Très-Haut sur l'Égypte victorieuse, a veillé à lui restituer sa jeunesse d'autrefois, à ressusciter sa splendeur désagrégée. Dès son avènement, que Dieu, dans sa gloire et sa majesté le garde, il s'est empressé de réformer son pays. Il a fait appel à tous les savants francs qu'il pouvait faire venir. Il a envoyé tous ceux qu'il pouvait envoyer d'Égypte dans ces pays-là, car leurs savants dépassent les autres dans les sciences profanes. La sagesse, dit un hadith, est la chose égarée du croyant. Il la recherche même chez les polythéistes. Prenez, dit Ptolémée II, les perles à la mer, le musc au rat musqué, l'or à la pierre, et la sagesse à celui qui l'a proférée. Un hadith exhorte encore, recherche la science, fût-ce en Chine, et l'on sait que les Chinois sont païens. Cependant, la tradition du prophète veut mettre en évidence la quête de la science. En tout cas, dans les endroits où l'intégrité de la religion se trouve assurée, s'il n'y a pas de mal à voyager, surtout pour un intérêt pareil. Telle était sans doute les vues de son Excellence en envoyant cette mission. Un extrait de L'Ordre de Paris de Rifaal Tartaoui, présenté par Anouar Louka dans sa traduction. C'était chez Sinbad en 1988. Sabrina Mervin, on voit bien qu'il y a cette dimension donc technique. On connaît l'aventure des Saint-Simoniens, en particulier en Égypte, dans ces mêmes années. On voit combien il y a un lien entre ce Saint-Simonisme et certaines prouesses techniques qui sont accomplies dans ces années-là. Quel est le lien avec la question de la réforme religieuse? Je l'ai déjà posé tout à l'heure à mes autres invités, mais tout de même, il y a une question qui se pose. Est-ce que cette volonté de se moderniser techniquement, pourrait-on dire, est accompagnée d'une autre volonté qui serait une volonté justement de réforme religieuse? Et comment fait-on le lien entre les deux, Sabrina Mervin? Oui, effectivement, on voit très bien que dans ce texte, que il s'agit de quête de la science. Or, la science, elle a deux facettes, surtout quand on parle à partir de la civilisation musulmane, islamique. Il y a la facette, évidemment, technique, et puis il y a le savoir religieux, qui est quand même considéré comme à la base de toute chose. Donc, il faut réformer, effectivement, les techniques, et ce, avec l'aide, le soutien, l'appui des dirigeants éclairés. Et puis, il faut, grâce à des penseurs éclairés aussi, réformer l'islam. Alors, quand je dis réformer, c'est aussi améliorer, c'est aussi changer, c'est aussi entamer une réflexion. Et c'est d'abord revoir le système d'enseignement, et c'est la première chose que les réformistes ont fait, tous les réformistes du monde musulman à cette époque, ont commencé par fonder des écoles, essayer de s'ouvrir aux sciences profanes, essayer de s'ouvrir à l'extérieur, à l'autre, aux sciences de l'autre, à sa manière de voir, et tout cela pour essayer de comprendre comment eux peuvent réagir par rapport à l'éruption de cette modernité des idées, et aussi pour essayer de mettre en place leur propre système qui ferait la part des choses entre la tradition musulmane et la modernité européenne, en se posant la question qu'est-ce que l'on peut absorber, se réapproprier, et qu'est-ce que l'on doit rejetée. D'accord. Anne-Laure Dupont, on voit bien effectivement qu'il y a quelque chose qui nous apparaît complexe, mais vous allez peut-être nous l'éclairer. C'est comment peut-on être à la fois modernisateur, acquérir des techniques extrêmement modernes, se dire tout compte fait, cette imprimerie que l'Empire ottoman avait laissée aux portes pendant plusieurs siècles, eh bien, au contraire, va permettre la propagation des idées. Et de l'autre côté, penser se reforger dans la religion originelle, la plus lointaine. Et c'est vrai que quelquefois, on voit mal la possibilité des deux. Comment, justement, ces penseurs de la réforme musulmane au XIXe siècle font-ils pour allier les deux, tenir les deux bouts de la chaîne, d'une certaine façon, Anne-Laure Dupont ? Je vais revenir à votre question, mais d'abord une très rapide explication du texte qui vient d'être lu, qui est un texte éminemment politique. Tahtawi, c'est un ouléma, c'est-à-dire un savant musulman, un juriste théologien formé à l'université d'El-Azhar au Caire, et qui est envoyé en mission à Paris. Il est aumônier d'une mission d'étudiants à Paris, ce à quoi il fait allusion à la fin de l'extrait qui a été lu. Et en réalité, tout son texte est à la gloire du dirigeant de l'Égypte, le fameux Mehmet Ali, Mohamed Ali selon la prononciation des Arabes. Il célèbre l'avènement en Égypte d'un pouvoir fort, capable justement d'encourager la science. Pas seulement la science religieuse, en effet, il parlait, Sabrina Mervin l'évoquait, il parlait aussi du savoir technique, scientifique, administratif. Lui ne voit absolument pas d'incompatibilité entre ces réformes qui vont, si l'on veut, dans le sens de la modernisation et le retour à la religion. Parce que, selon lui, la religion bien comprise commande cette quête de la science. Vous évoquiez aussi tout à l'heure le rapport entre réformisme religieux et réformisme politique à propos de ce texte. Et c'est vrai qu'il est particulièrement bienvenu puisque cet ouléma, cet authentique ouléma, homme de foi, est aussi un serviteur des vice-rois d'Égypte. Tous ses postes sont des postes liés au gouvernement de l'Égypte au XIXe siècle. Je pense que la relation entre réformisme religieux et réformisme politique, elle réside dans la pensée par rapport à la norme islamique. En quoi l'islam est-il un système normatif ? Qu'est-ce qui, dans l'islam, est fondamental, doit être conservé parce que c'est la nature même de l'islam et c'est ce qui fonde la relation du croyant à Dieu. Et qu'est-ce qui peut évoluer, qu'est-ce qui peut changer? Donc Tahtawi s'est plus préoccupé de réformes politiques et culturelles, mais pour lui, ça rejoint une compréhension authentique de la religion islamique. Il s'efforce de faire la distinction entre l'essentiel et l'accessoire, ce qui sera un grand thème par la suite du discours réformiste. Victor Massé-Dépinay. Oui, il y a une notion qu'il faut peut-être introduire maintenant dans la conversation et qui peut-être va expliquer ce lien possible entre réforme religieuse intérieure et réflexion sur le monde tel qu'il va, l'adaptation au monde. C'est la notion, alors je ne sais pas si je prononce bien, d'ijtihad, c'est-à-dire d'exercice de la raison qui donc est une raison éclairée par l'époque, forcément, on peut pas, l'exercice de la raison pour comprendre plus profondément les fondements religieux de l'islam, si je comprends bien cette notion. Augustin Jomier. Oui, alors ça revient un peu à la question du rapport à la norme qu'évoquait Anne-Laure Dupont. L'ijtihad, donc, c'est un des outils que la normativité islamique a fourni aux penseurs pour réfléchir. Donc, à l'origine, il s'agit par l'ijtihad de déterminer quelle serait la position de la charia, la loi sacrée, sur un cas juridique. Et donc, c'est un des outils que les réformistes vont utiliser et surtout beaucoup promouvoir pour tenter de, grossièrement, de mettre à jour les normes et faire en sorte qu'elles soient en accord avec le monde moderne. Donc là, on a justement un de ces outils qui permet à la fois d'ajuster les normes religieuses, mais également de penser le changement politique, technique, et qui est tout à fait important. Pour revenir à cette question que vous posiez, Anne-Laure Dupont, du lien entre retour aux origines religieuses et modernisation économique, scientifique. Je pense qu'en fait, ils ne sont pas du tout à opposer dans la pensée des réformistes. Leur diagnostic sur la situation est indissociablement religieux et politique, technique. Et en fait, l'idée d'Isla, l'idée d'un retour aux origines, et aussi la figure du réformiste, donc du Mousli ou du Moujaddid, le rénovateur, en fait, cette opération de retour aux origines est ce qui est le garant de la conservation de l'authenticité, alors même que par ailleurs, ces réformistes opèrent des changements très importants en matière technique, politique, économique. Alors, puisqu'on évoque cette question de l'Ijtihad, plongeons dans un autre texte qui va nous être lu par Daniel Königsberg, qui est un texte d'un personnage qu'il faut peut-être présenter, puisque c'est deux personnages qui sont importants dans notre discussion, Jamal al-Din al-Afrani, pardon, et Mohamed Abdou, qui, dans une revue en 1884, une revue créée en France, à Paris, Al-Urwa al-Wukta, donc le lien indissoluble, écrivent ce texte, les causes de la décadence des musulmans et de leur inertie. On écoute le texte et vous nous le commentez ensuite, Anne-Laure Dupont, à propos de ces deux personnages dont on va sûrement beaucoup parler dans cette émission. Daniel Königsberg. Le seul trait d'union qui existe dans la majorité des cas entre les musulmans est la croyance religieuse. Mais celle-ci est dépouillée des actes qui en découlent. Ils s'ignorent mutuellement et ont rompu toute relation entre eux d'une manière peu élégante. Quant aux oulémas, eux qui sont chargés de veiller sur les croyances et d'en instruire les gens, ils n'entretiennent plus entre eux ni lien d'amitié ni correspondance. L'ouléma turc ne sait rien de celui du Hedjaz et à plus forte raison des autres plus éloignés. Celui de l'Inde ne s'intéresse pas à l'Afghan et ainsi de suite. Bien mieux, les oulémas d'un même pays n'ont aucune liaison entre eux. Cet isolement se retrouve également entre les rois et les sultans musulmans. N'est-il pas étrange que l'Empire ottoman n'entretienne pas de relations solides avec les Afghans et les autres peuples musulmans d'Orient ? Cette dissolution et l'affaiblissement des liens unissant la communauté islamique, Al-Mila al-Islamia, ont commencé lorsque le titre d'ouléma est devenu distinct de celui de calife, au moment où les Abbassides se contentèrent de porter le titre de calife sans acquérir la science, la connaissance approfondie de la religion et sans pratiquer l'ijtihad en matière de sources et de branches du droit islamique, comme l'avaient fait les califes orthodoxes à Rachidoun. C'est pourquoi, à partir du début du IIIe siècle de l'Égypte, les doctrines et les divergences se multiplièrent et se compliquèrent d'une manière telle qu'il n'en existe pas d'exemple dans aucune autre religion. Puis l'unité du califat se fissura et se scinda en plusieurs parties. Il y eut un califat abbasside à Bagdad, un califat fatimide au Caire et au Maghreb, un califat oumayyade en Espagne. Ainsi se désagrégea l'unanimité de la communauté al-Humma. Des scissions se produisirent, le califat déchu, au point de n'être plus qu'une charge royale. Et la vénération qui l'entourait s'effondra. Des prétendants au pouvoir surgirent qui s'appliquèrent à s'en emparer par la force sans se préoccuper de l'institution elle-même. Alors on va voir combien ce texte est important, ce texte de 1884, des causes de la décadence des musulmans et de leur inertie, signé Jamal al-Din al-Afrani et Mohamed Abdou, Anne-Laure Dupont, qui sont ces deux personnages qui sont très importants pour cette question de la réforme, en particulier dans cette deuxième moitié du 19e siècle. Ils sont très importants, mais leur rôle a été aussi surestimé. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas l'alpha et l'oméga de la réforme dans les pays musulmans. Il y avait des tas de mouvements réformistes ou d'individus prenant des réformes avant eux. Mais ils ont eu besoin à un moment de ces deux personnages pour se sentir dans un courant, disons. Alors, Jamal ad-Din al-Afrani a pour surnom, pour nisba, pour qualificatif, al-Afrani, l'Afghan. Mais contrairement à ce que ce qualificatif indique, il n'était pas d'origine afghane. Il était d'origine iranienne. Et chiite. Et chiite. Comme il a beaucoup circulé dans tout le monde musulman, qu'il a beaucoup œuvré dans les régions sunnites, il ne s'est pas trop vanté d'être chiite. Il avait résidé en Afghanistan. Il s'est donc fait passer pour afghan, ce qui lui permettait de 90% des Afghans étaient sunnites. C'est ça. Donc on n'avait pas trop de doutes sur sa confession. C'est à la fois un savant religieux, un philosophe, un militant anti-impérialiste, on peut dire. C'est l'un des premiers militants anti-impérialistes musulmans dans les années 1880, à une époque où la domination coloniale des Européens se renforce. Mohamed Abdou a un tout autre profil. Comme le Cheikh Tahtawi dont on a parlé tout à l'heure, c'est un Égyptien, c'est un authentique ouléma formé à El Azhar. Il a connu Al-Afrani au Caire dans les années 1870. Al-Afrani est un grand voyageur. Il a beaucoup circulé partout dans le monde musulman. Tous les spécialistes du monde musulman au XIXe siècle connaissent qu'il travaille sur l'Iran, l'Empire ottoman, le monde arabe, l'Inde, l'Afghanistan. Tout le monde voit passer Al-Afrani. Mohamed Abdou a été l'élève de ce dernier au Caire dans les années 1870. Parallèlement à ses études à El Azhar, il suivait avec d'autres jeunes étudiants en sciences religieuses des conférences chez Afrani qui l'ont sensibilisé au rôle de la philosophie dans la compréhension de la religion et aussi aux questions politiques, aux relations internationales, aux problèmes des rapports de force. Et ils se sont retrouvés tous les deux à Paris ensemble en 1880. Al-Afrani avait été expulsé d'Égypte et Mohamed Abdou, lui aussi, un petit peu plus tard, après avoir soutenu la révolte d'Orabi Pacha qui a conduit à l'occupation britannique en 1882. Leur texte fait le constat de cette décadence dont on parlait tout à l'heure, incite à la communication entre savants musulmans et eux-mêmes sont des exemples de cette communication. De cette mobilité tout de même. Et de cette mobilité, c'est ça, puisqu'ils sont tous les deux ensemble à Paris. Mohamed Abdou va ensuite vivre quelques années à Beyrouth. Il a fait des voyages au Maghreb dont Augustin Jomier parlera peut-être tout à l'heure. Donc par la mobilité géographique et par la presse, on n'a pas encore assez dit le rôle de l'imprimé dans la diffusion de ces idées de réforme, ils se présentent eux-mêmes comme des exemples d'ouléma qui communiquent. Et deuxième point, ils insistent sur la communication entre les princes musulmans. Ils regrettent que le sultan ottoman n'ait pas plus d'influence partout dans le monde musulman. Là, il faut mettre cette idée en relation avec la politique ottomane de l'époque qui consiste à valoriser l'institution califale. On est au début des années 1880, à l'époque où le sultan ottoman prétend à un califat universel. Et dans le fond, ce que font ici Afrani et Mohamed Abdou, c'est allégeance au sultan ottoman, mais à condition qu'il favorise la production d'un nouveau système normatif musulman, ce qui ne sera pas le cas en réalité. Les réformes ottomanes sont des réformes étatiques qui puisent à des tas d'autres racines que l'islam. Sabrina Mervin, sur ce point et sur l'importance de ces personnages qui, on l'a déjà dit, sont des personnages qui naviguent entre l'Europe occidentale, la France, la Grande-Bretagne, la Russie également pour Al-Afrani, mais également l'Iran, l'Irak, l'Afghanistan, l'Égypte, tout un tas d'autres pays et qui, d'une certaine façon, essaiment en particulier avec cette revue qu'il crée aussi à Paris, qui aura 18 numéros, je crois, et qui sera une revue importante pour pouvoir promouvoir à la fin du 19e siècle l'idée de réforme, Sabrina Mervin. Du 19e siècle, pardon. Oui, effectivement. On parle beaucoup de ce texte qui parle de mobilité. Anne-Laure l'a déjà souligné, et lui aussi. Je crois que c'est important de revenir sur cette mobilité qui est en quelque sorte classique. Hein, dans l'islam, les savants partent faire le tour du monde musulman pour chercher un maître, pour se former. Or, en fait, Afrani dit que cette mobilité est assez plainte du fait que cette mobilité est en déclin, alors que, en fait, je crois que non. Et lui-même en est un acteur, puisqu'effectivement, il est iranien, il a fait ses études en Iran et à Najaf, il a étudié la philosophie d'Avicenne, comme tout bon haleine, tout bon savant chiite, et ensuite il s'est un peu dispersé, disons, dans le monde musulman, en Inde, en Afghanistan, etc., Istanbul, et il a aussi lui-même dispersé sa propre identité pour mieux la noyer dans ce monde musulman qu'il voulait justement uni et donc il voulait retrouver un idéal des origines des origines. Donc on a à la fois cette mobilité et puis on a deux autres discours, je trouve, c'est-à-dire que bon, on reparle là de l'Ijtihad Et je crois que c'est important de bien expliquer peut-être ce que ça veut dire à ce moment-là, et même aujourd'hui. L'istirahat, c'est tout simplement un effort bon, qu'on appelle souvent effort d'interprétation. Jacques Berck disait effort catégorique. En fait, c'est un raisonnement à partir des textes sacrés, donc à partir du Coran et de la Sunna, qui vise à extraire de ces textes sacrés des normes qui vont être utilisées à la fois pour le culte, mais aussi pour les relations sociales, pour les contrats, pour tout ce qui concerne, disons, ce qui relève du droit musulman. Donc c'est extrêmement important et c'est ce qui va permettre aux ulémas à cette époque-là de revoir le système normatif de l'islam et de s'adapter au monde qui les entoure. Mmh. Donc à la fois au siècle, hein, au temps présent, mais et aussi à l'espace, c'est-à-dire ils sont dans un monde qui s'ouvre et qui s'ouvre justement ouais. à l'Europe et donc il faut réagir à cette ouverture. Ouais. Victor Massé de l'Épinay. Oui, mais j'aurais une question, Augustin Jomier, sur Alaa Avrani et Mohamed Abdou qui ont beaucoup critiqué la torpeur ou la paresse intellectuelle du monde musulman à la fin du 19e, qui ont blâmé aussi la division du monde musulman. Une de leurs cibles, c'était les confréries, et je crois aussi les soufis, d'une certaine façon. Est-ce que le fait d'être attaqué, entre guillemets, intellectuellement ou théologiquement, n'a pas réveillé chez certains autres musulmans une contradiction, et des savants, et peut-être aussi des revues, parce qu'on a l'impression qu'Alaa Avrani et Mohamed Abdou ont beaucoup écrit, beaucoup eu des controverses, par exemple, avec Renan, mais que dans l'islam lui-même, dans le monde musulman, ils n'ont pas eu d'adversaire sur un plan théologique ou sur un plan doctrinal. Augustin Jomier. Alors oui, on voyait dans le texte qui a été lu cette condamnation de la torpeur intellectuelle. Donc ça, c'est une critique très forte des élaborations, notamment du droit musulman depuis le 10e, 12e siècle, comme étant un rabâchage, une scolastique stérile. Et en effet, des personnalités réformistes comme Avrani ou Abdou relient cela aussi au développement du confrérisme et d'un certain nombre de pratiques religieuses comme les cultes rendus aux saints ou de façon générale aux morts. Et ce rapport justement entre leur volonté de réforme et de combat contre ce réformisme et peut-être une volonté contre ces confréries et cette façon que les confréries ont eu de se défendre d'une façon contre ces attaques, Augustin Jomier. Oui, et cette question des luttes internes, alors je pense que Abdou, Avrani et les autres réformistes ont au contraire rencontré des résistances fortes à l'intérieur du monde musulman. On ne le voit pas parce que dans la mesure où les réformistes ont fini par remporter la bataille dans les années 30-40, il y a tout un récit a posteriori qui a été construit et qui tend à effacer les oppositions qui se sont levées contre eux. Mais quand on étudie des cas précis, peut-être à l'échelle locale, on se rend compte que les combats sont assez forts, que ce soit des combats intellectuels, mais aussi sociaux. À l'échelle locale, comme vous l'avez fait, Homzab, donc, en Algérie. Oui, c'est ça. Donc, moi, j'ai effectué ma thèse sur une région qui se situe 600 km au sud d'Alger. Donc, on est dans les confins du Sahara et dans des zones qui sont majoritairement rurales à l'époque. Et là, quand on regarde concrètement la façon dont se passe l'épisode réformiste, qui est glorifié dans les historiographies locales, on voit en fait que c'est un moment de combat très fort. Donc il y a des controverses entre chiites, tout d'abord entre ulémas, avec un des effets qui rend invisible la parole des opposants, c'est qu'ils n'utilisent pas l'imprimerie. Mmh. En fait, seuls les réformistes utilisent l'imprimerie et donc ce sont eux que l'on retrouve aujourd'hui. Dans les archives. Dans les archives. Et pour trouver la parole des opposants, c'est beaucoup plus difficile. Il faut aller farfouiller dans des bibliothèques. Et deuxième élément, on a une opposition, une mobilisation locale contre le discours et les pratiques réformistes qui est très fort. Alors, d'une part, pour défendre, surtout pour défendre les institutions remises en cause par les réformistes. C'est-à-dire le Kouteb, l'école coranique traditionnelle, dans laquelle les enfants apprenaient par cœur le Coran. Et donc qui est condamné comme étant un des lieux de la décadence intellectuelle par les réformistes qui vont mettre en avant des écoles modernisées, c'est les termes qu'ils utilisent. Et puis surtout tout ce qui se déroule autour des cimetières et des mausolées. Où là, c'est un épisode, enfin c'est des choses qu'on retrouve dans l'ensemble du Maghreb. Et de l'hommage rendu aux saints locaux, etc. Voilà, toutes les prières faites auprès des morts, auprès des saints locaux, et qui là sont défendues par les... Enfin, vraiment, les gens en viennent aux mains à l'époque contre la position des réformistes qui cherchent à supprimer ces pratiques. Alors, il faut dire que tout cela se passe dans un contexte particulier, c'est le contexte de la colonisation sur lequel vous avez travaillé, et que l'arrivée, effectivement, de ces colonisateurs change la donne. Elle change la donne en partie par la présence de certains d'entre eux auprès de certains dirigeants de l'Empire ottoman ou, par exemple, du vice-souverain d'Égypte, par exemple, mais également par l'arrivée de nouvelles modes vestimentaires, par la diffusion de nouvelles modes vestimentaires et, par exemple, la question du port du chapeau. Donc, dans cet empire ottoman, là où auparavant on portait le turban, on voit arriver le chapeau et c'est un sujet de débat et de discussion qui forme cet extrait du premier volume de la Rihla. Comment prononce-t-on, Anne-Laure Dupont ? Je ne vais pas y arriver. Hijaziyya. La Rihla Hijaziyya, voilà. Le voyage au Hijaz. Le voyage au Hijaz accompli par Muhammad al-Sanoussi en 1882-1883. C'est ce que nous lit Daniel Königsberg. Alors la scène se passe en Italie où l'auteur fait une étape à Naples. En sortant du musée national, nous avons rencontré un jeune homme à la marche rapide, habillé à l'italienne, portant un chapeau très court et ayant à la main une longue canne. Il s'arrêta à côté de mon compagnon, lui parlant en italien. Lorsqu'ils se séparèrent, mon compagnon marcha vers moi et ensuite, se rappelant qu'il avait quelque chose à dire à ce jeune homme, il se mit à l'interpeller. « Ya Ahmad Afandi !» Je me suis mis à me demander quel était celui appelé de ce nom. Et voilà que c'était le premier jeune homme. J'en fus rempli de stupéfaction. Et après la surprenante vision des gravures de Pompéi, une nouvelle surprise m'attendait, celle de voir ce jeune homme appelé Ahmed. Je posais des questions au sujet de ce jeune homme et mon compagnon m'informa que c'était un musulman parmi les aides de camp d'Ismaïl Pacha. En voyant l'état de surprise où j'étais, il me dit « Ismaïl Pacha, ses fils, ses femmes, sa suite, tous portent le chapeau sur la tête ». J'éprouvais un étonnement et je dis « Dieu ne modifie rien en un peuple avant que celui-ci ne change ce qui est en lui. Et comment donc ? Puisque le chapeau fait partie des vêtements propres aux infidèles, les porter équivaut, hélas, à une apostasie. J'ai appris ensuite qu'un bon nombre de notabilités musulmanes, lorsqu'elles allaient au pays des infidèles, portaient le chapeau et épousaient leur comportement. Je cherche refuge auprès de Dieu contre cet égarement manifeste. D'autant plus que je n'ai jamais vu un chrétien pénétrant en terre d'islam porter le turban et se promener ainsi dans les rues. Un chrétien, s'il se rend dans un pays autre que le sien, est fier, au contraire, de conserver ses coutumes et ce qui caractérise son pays signifie par là que sa race et les coutumes faisant partie de l'organisation du monde. Par ma vie, celui qui se détache de ses coutumes, celles surtout qui ont un lien avec la religion, est un sot personnage. Je dis cela pour autre chose que ce qui a une utilité temporelle, non interdite par la loi musulmane. Il est en effet conforme à la raison que l'homme imite ses semblables dans ce qui constitue une utilité. Mais dans les faibles nations orientales, pour lesquelles la religion n'est plus un frein en ce temps, j'ai fréquemment observé une confirmation du jugement d'Ibn Khaldoun sur la propension du vaincu à imiter le vainqueur dans ses caractères distinctifs, ses vêtements, sa secte et l'ensemble de sa condition et de ses habitudes. Formidable texte qui justifie même un article dans le dictionnaire de l'Empire ottoman auquel vous avez participé, Anne-Laure Dupont, chez Fayard. Un formidable dictionnaire, il faut le dire tout de suite. Extraordinaire entreprise où vous avez travaillé depuis des années tous et toutes autour de cette question de ce qui constitue cet Empire ottoman. Il y a un article justement sur le port du chapeau. Ah mais bien sûr, c'est une question tout à fait essentielle, c'est une question très symbolique. Et vous savez que dans l'Empire ottoman, la conclusion de ces débats sera l'abolition du port du fez en 1925. C'est l'une des premières grandes réformes kémalistes. En effet, ce qui est combattu, ce n'est pas tant pardon, ce qui est défendu, pardon, ce n'est pas tant le port du turban que le port du tarbouche. On ne s'attend pas de personnages qui ne sont pas des religieux qu'ils portent le turban à cette époque, mais au moins qu'ils portent ce bonnet de feutre rouge, débarrassé depuis les années 1830 de l'étoffe qui l'entourait jusque-là. Et le tarbouche devient le symbole oriental et musulman du costume occidentalisé. Et là, voilà que ce Tunisien, Mohamed Sanoussi est un Tunisien, trouve à Naples des Égyptiens de la suite d'Ismaïl Passa, l'ancien khédive d'Égypte, déposé en 1879 et qui se trouve en exil, portant le chapeau. Et pour lui, c'est désespérant. C'est l'imitation des vainqueurs. Il faut bien comprendre que c'est un Tunisien dont le pays vient d'être occupé par les Français qui parle. On parlait de Mohamed Abdou. Mohamed Abdou, dans une célèbre fatwa qui date de 1900 ou 1901, dite fatwa du Transvaal, a répondu à un musulman sud-africain qu'il pouvait porter le chapeau, au moins dans le pays des Francs, c'est-à-dire les pays non musulmans. Donc c'est une question qui est récurrente, que la façon de se vêtir, c'est-à-dire jusqu'à quel point doit-on se manifester comme musulman dans le monde moderne. Sabrina Mervin, sur ces questions qui ne sont pas accessoires, bien qu'il considère justement un accessoire, qu'il touche un accessoire du vêtement. Oui, je crois que ce qui est important de relever là, parce que Anne-Laure Dupont a bien expliqué ce qui se passe au niveau du chapeau, sa politique passe au niveau d'autres vêtements. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que on commence vraiment à compter avec l'autre. C'est-à-dire que ce qui est dit là, c'est que on change, on peut, même au regard de la loi musulmane, changer ses habitudes, changer ses usages. Quand on ne vit pas dans le pays, dans un pays d'islam, dans le domaine de l'islam régi par la loi islamique, par la loi sacrée. Donc, quand on est chez les Francs, on peut changer son comportement, on peut s'adapter, on peut porter le chapeau plutôt que le tarbouche. Victor Massé de l'Épinay. Oui, mais j'ai une question sur la réaction que l'auteur du texte, que Daniel Koenigsberg vient de lire. Sa première réaction, c'est de penser à une sourate du Coran. Dieu ne modifie rien en un peuple avant que celui-ci ne change ce qui est en lui. Et cette sourate a été très importante, je crois, pour les réformistes modernistes dont on a parlé. J'ai l'impression, pour autant, enfin, j'ai eu du mal à la comprendre, j'ai l'impression qu'elle peut être comprise dans les deux sens. J'étais un peu surpris de la trouver dans ce texte-là. Qu'est-ce que ça veut dire, Dieu ne change rien en un peuple avant que lui-même ne change ce qui est en lui? Augustin Jomier. Bon, ça veut dire ce que le lecteur veut y lire, ça c'est quand même important. Alors comment est-ce que les réformistes la lisaient? Ben là, c'est l'idée. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ça nous ramène à l'idée que les réformistes ne sont pas là pour changer l'islam, mais pour changer la façon dont les musulmans vivent l'islam, c'est-à-dire rétablir la façon dont ils vivent l'islam dans la pureté authentique que l'on prête à cette religion. Et donc là, l'idée, c'est que Dieu changera le comportement des musulmans, viendra à leur aide, si eux-mêmes se réforment et changent leur attitude. Je crois que c'est important. Et donc là, c'est une façon c'est un texte qui est quand même assez prescriptif, moralisateur. Donc c'est une façon de porter la responsabilité de la décadence sur le personnage en question et tous ceux qui, à son image, tendent à oublier ou en tout cas à ne pas manifester leur statut de musulman par leurs vêtements. Anne-Laure Dupont. Oui, je crois que Augustin a dit dans sa réponse deux choses tout à fait essentielles. D'abord que le réformisme, c'est une action sur la communauté, sur l'umma, et éventuellement sur les États qui incarnent cette Oumma et qui la portent. Et puis, il a parlé de textes moralisateurs. Et ça, c'est vrai. Il y a dans le réformisme, surtout celui de la fin du XIXe siècle, une dimension moralisatrice très, très forte, qui est moins nette, par exemple, chez Tartawi, qu'on a lu tout à l'heure. Il faut dire que le texte qui vient d'être lu fait partie d'un ensemble de caricatures de l'occidentalisé, qu'on trouve aussi d'ailleurs chez des journalistes et des intellectuels chrétiens. Et c'est toujours les mêmes accessoires qui sont en cause, évidemment le chapeau, mais aussi la canne, par exemple. Là, c'est très intéressant. L'Italien, comme par hasard, il a une canne. C'est vrai que c'était la mode en Europe à l'époque. Mais il n'y a pas une caricature d'occidentalisé dans tout l'espace arabe ou ottoman où ne figure pas la canne. Et les lorgnons aussi, c'est un autre attribut de l'occidentalisé. Alors, vous disiez tout à l'heure, malheureusement, on arrive très vite à la fin de cette émission et j'en suis tout à fait désolé parce qu'on a tellement de choses à raconter, mais on ne pourra pas le faire dans cette émission-ci. Vous disiez tout à l'heure, Augustin Jomier, que à la fin, eh bien, ce sont les réformistes qui gagnent. Comment gagnent-ils ces réformistes au bout du compte? Puisque vous semblez dire que, par rapport en particulier à ces confréries que vous avez étudiées dans le Mzab algérien, eh bien, tout compte fait, ces réformistes qui pourtant, on l'a expliqué, sont des gens qu'on fait fuir, qui sont expulsés régulièrement de pays musulmans parce qu'ils contestent le pouvoir en place, ils vont finir par gagner. Ils gagnent comment au bout du compte? Bon, c'était dit peut-être un peu à l'emporte-pièce. Je pense que c'est un processus long. C'est une tendance du réformisme qui finit par l'emporter, je pense. Il y aurait pu y en avoir plusieurs. Il y a plein de possibles qui ne sont pas advenus. Ce qui se passe, c'est que au Caire, dans les années 20, dans les années 30, un rapprochement s'opère entre Rachid Rida, donc qui est une autre grande figure de réformiste, qui a réussi à capter l'héritage de Jamal ed-Din al-Afghani et de Rachid Rida, de Mohamed Abdou, pardon. Donc il parvient à capter cet héritage au même moment, en fait, où il se met déçu par les suites politiques de la Première Guerre mondiale et enthousiasmé par les succès des Saoudiens, il se met à les soutenir, en fait. Mmh. Donc là, c'est peut-être une première étape. Et puis, je pense qu'ensuite, donc à partir du Caire, il a eu un très, très grand rayonnement dans lequel il a contribué à faire du réformisme wahhabite salafiste ou non, une idéologie dominante. Et puis surtout, ce qui se passe, c'est que les États indépendants, en fait, les États qui naissent de la décolonisation et aussi de la chute de l'Empire ottoman, vont progressivement s'appuyer sur, intellectuellement, juridiquement, ils vont s'appuyer, en fait, sur les corpus réformistes. Un dernier mot, Alain Dupont, parce que malheureusement, on arrive au terme de cette émission, sur cette victoire supposée des réformistes. Alors, oui, l'esprit de réforme se généralise de manière très diverse. Ça accompagne aussi la sécularisation et la rationalisation. Les conservateurs, comme les réformistes les désignaient eux-mêmes, sont bien obligés de se défendre en adoptant les mêmes outils, notamment la presse. Et finalement, le réformisme suscite le conservatisme qui est aussi un rapport à la modernité. Et il faut dire que cette victoire de l'esprit de réforme dans toute sa diversité n'empêche évidemment pas les confréries de subsister, de se réformer. Il existe un réformisme confrérique et un réformisme soufi dont on n'a pas eu le temps du tout de parler, mais qui a permis aux confréries de subsister en s'adaptant à l'esprit du temps. Au monde moderne d'aujourd'hui. Donc merci encore Anne-Laure Dupont. Je rappelle que vous avez participé à ce formidable dictionnaire de l'Empire ottoman chez Fayard, une immense entreprise depuis, je crois, plus d'une dizaine d'années au tout départ. Quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça, mais vraiment qui rassemble tout ce qu'on peut savoir, vouloir savoir sur l'Empire ottoman. C'est un magnifique cadeau de Noël, si vous le souhaitez. Augustin Jomier, vous avez fait votre thèse et vous êtes post-doctorant à la Fondation Thiers. Vous avez fait votre thèse sur le Mzab et la question du réformisme, justement, dans cet espace algérien colonial, et Sabrina Mervin, que nous remercions d'avoir été au téléphone avec nous depuis le début de cette émission, est l'auteur d'une histoire de l'islam, fondement et doctrine chez Champ Histoire. Merci également à Daniel Königsberg. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marie-Vonne Abolivier et Aurélie Marseille. Nous avions à la technique avec nous Nicolas Delmas, à la réalisation Anne Fleury. Demain, nous nous retrouvons, Victor Basset d'Épinay, pour évoquer le Moyen-Âge et les réformes du judaïsme médiéval. À demain. Absolument, donc. Absolument, à demain.